Je vous invite de tourner dans vos Bibles à 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9. Et nous allons... Mais Jacques et moi étions ensemble cette semaine et on a continué la discussion entre nous sur la grâce. Et comme vous savez, depuis le mois de septembre, on fait nos partages sur le thème de la grâce. Et on a vu plusieurs textes différents en Éphésiens, en Tite, en Romains, un peu partout dans le Nouveau Testament. Il y a deux volets de la grâce qu'on discute très rarement. Et moi, j'ai proposé à Jacques, j'allais prendre un de ces thèmes aujourd'hui. Ce qu'on appelle la grâce de donner, ou la grâce de la générosité. Il y a un autre thème sur la grâce qu'on a discuté. Je ne sais pas si toi, tu vas le faire ou si moi. Mais la discipline de la grâce. Mais ça, c'est pour une autre dimanche. Peut-être Jacques va le faire. Ce matin, je vais parler de la grâce de la générosité. Ou si vous voulez, la grâce de donner. Il y a un de mes paraboles préférées dans la Bible. Et c'est un des plus étranges. Se trouve en Matthieu chapitre 20. Vous vous souvenez, le propriétaire, il arrive dans le lieu public très tôt le matin. Et il cherche des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Donc, il embauche les gens de très tôt le matin, à 9h du matin, midi, 15h et 17h. Et il arrange de leur donner, comme le texte dit, une pièce d'argent. À la fin de la journée, il les convoque, mais d'une façon inverse. Il paye ceux qui ont été embauchés à 17h, ensuite 15h, midi, 9h et 7h. Et il donne à ceux qui ont commencé le travail à 17h une pièce d'argent. Donc, vous pouvez imaginer le folie furieuse de ceux qui ont été embauchés à 7 heures. Parce que, comme le texte dit, ils ont travaillé dur et sur le chaleur de la journée. Mais quand le propriétaire et son gérant arrivent, son gestionnaire arrive, il leur paye aussi une pièce d'argent, tel que négocié, convenu. Merci, Daniel. Ils ne sont pas de bonne humeur. Ils passent de cette folie furieuse en attente. Et maintenant, ils ne sont pas contents. Et qu'est-ce que le propriétaire leur dit? Écoutez. Il leur dit, « Prends ce qui te revient et rentre chez toi. » Parce qu'il parle à une personne. « Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. » Ne puis-je disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon, généreux? Et c'est un parabole qui choque. Même on peut lire cette parabole et dire, le propriétaire, il n'est pas juste. Mais le propriétaire dit, ne puis-je disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis généreux? Et c'est vraiment une parabole sur le caractère de Dieu. Et le principe que Matthieu veut mettre de l'avant, il commence et il termine avec la même phrase. Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Pour souligner que dans le caractère de Dieu, il a le droit d'être généreux, d'être bon. Nous dirons un Dieu de grâce. Et qu'est-ce que cette grâce veut dire? Lorsqu'il s'agit de nos biens. Et c'est ça le sujet que j'aimerais explorer avec vous ce matin, parce que dans le texte que nous allons étudier, Paul, va inviter les Corinthiens de participer dans ce qu'il appelle cette œuvre de grâce ou cette œuvre de générosité. Mais avant d'étudier le texte, et je vais faire dégager 8 principes que j'ai vus dans ces 2 chapitres. Mais voici le contexte. L'Église primitive, surtout l'Église primitive à Jérusalem, était une Église extrêmement pauvre parce qu'une famine a décimé Palestine après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, dans les 2 siècles après sa résurrection d'entre les morts. Et Paul et Barnabas avaient commencé leur ministère public. Et si vous vous souvenez bien, en Galates 2, 9 et 10, Pierre et Jacques reconnaissent que Paul et Barnabas ont un ministère différent que le leur. Ils étaient mandatés de travailler auprès des populations juives et Paul et Barnabas auprès des populations non juives ou païennes, gentilles. Mais Pierre et Jean, dit à Paul et Barnabas, on va vous offrir la main droite de communion, mais n'oublie pas les pauvres. Et Paul y répète, ce que nous sommes convenus à faire. Et comment est-ce que Paul s'est convenu? Lorsqu'il faisait ses visites missionnaires, lorsqu'il plantait des églises, il faisait toujours une collecte pour les plus pauvres à Jérusalem, pour l'église mère. Donc, on lit en Actes, on lit en Romains, on lit dans 1 Corinthiens 16 et on lit dans ces 2 chapitres que nous allons voir ce matin que Paul continuellement faisait l'évangélisation, il plantait des églises, il formait des communautés où il n'y avait pas de distinction juif et grec, riche ou pauvre, homme-femme, et il prenait un collecte pour les plus pauvres. Mais un problème est arrivé. C'est que les Corinthiens, à haute voix, ont fait un engagement. Mais entre leurs paroles et le fric, ils ont perdu leur carte Visa. Mal Visa. Et Paul envoie ce texte pour les aider de fermer la boucle, de ramasser l'offrande. Et ce qui est fascinant dans le texte que nous allons étudier ce matin, donc c'est tout cela, mais en même temps, ce n'est pas simplement un petit mémo rédigé à l'église à Corinthe. Mais c'est aussi un texte pour nous, de nous rappeler qu'une partie intégrale de la grâce de Dieu, oui, une grâce qui nous sauve, une grâce qui nous transforme, une grâce qui nous libère de la loi et du légalisme, mais il y a dans l'acte de donner financièrement pour aider les plus vulnérables, pour aider les autres églises, pour aider les ministères. Il y a dans cet acte ce que Paul va appeler une grâce. Et je dois admettre qu'en étudiant ce texte, j'ai dit, wow, c'est quoi le lien? Et à la fin de notre étude ce matin, j'aimerais faire le lien pour vous, ou au moins le lien que moi je vois. Regardons le texte. 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, et on va lire certaines parties, et moi je vais le commenter en cours de route. Le texte est long, donc je vous invite cette semaine, si vous voulez, de le lire plus intentionnellement pour vous-même. Mais moi, je vais lire certaines sections, je vais commenter tous les deux chapitres, mais je vais faire dégager 8 principes qui vont nous aider de faire ce pont entre l'acte de donner, l'acte de participer financièrement dans l'œuvre de Roi des Rois, dans l'œuvre opérée des plus vulnérables, l'acte de donner pour une organisation comme Porte Ouverte, les Léonards, Direction Chrétienne, qu'il y a quelque chose que Paul va appeler cette œuvre de grâce. Et quel est le lien? OK, commençons dans chapitre 8 et commençons avec les versets 1 à 5. Nous voulons, Paul dit, et moi je lis dans la même édition que Alphonse a lu ce matin, la Bible du Semeur. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui sont à Jérusalem appartenant à Dieu. Dépassant toute espérance, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils sont mis à notre disposition. Paul nous met dans le contexte. Les églises à Macédoine, donc au nord de Corinthe, et même les églises dans la région de Philippe, Thessalonique, Bérée, dans cette région-là, malgré, le texte dit, leur extrême pauvreté, ils ont un désir ardent, Paul dit, de participer dans le collecte pour les plus pauvres à Jérusalem. Donc, Paul commence avec une mise en situation. Vous êtes les Corinthiens, une ville économiquement prospère. Vous qui avez fait un engagement d'aider. Paul ne commence pas avec ça. Paul commence avec une église qui est dans une extrême pauvreté, qui ont fait un engagement et qui n'ont pas perdu leur carte Visa. Mais ce qui est fascinant, et voici le premier principe. Cet acte de donner, ce que Paul va appeler dans deux secondes, cette œuvre ou cette grâce de donner, commence avec une consécration de nos vies à Dieu. C'est ça qui m'a frappé en étudiant ce texte. Regardez ce qu'il dit. Ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ça, on le voit dans le verset 2. Donc, avant de considérer quoi que ce soit sur l'argent, Paul dit ici, commence avec votre relation avec Dieu. Le texte continue. Versets 6 et 7. Maintenant, on arrive pour le deuxième principe. Aussi, nous avons encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de grâce. C'est ça le texte, c'est ça que ça dit dans le texte original. Dans ma version, ça dit cette œuvre de générosité. Mais c'est un acte de grâce qu'il avait si bien mis en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour, qui de nos cœurs a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de grâce. Donc, maintenant, Paul passe des Macédoniens et le fait qu'ils se sont donnés à Dieu. Maintenant, il passe aux Corinthiens. Et Paul envoie Tite pour essayer de mettre les choses en place. Paul n'était pas fou, hein? Il savait que sa relation avec les Corinthiens était un peu tendue. Donc, si lui, il arrivait, le monde allait se sentir mal à l'aise, n'est-ce pas? Si on fait un engagement de faire quelque chose et on ne livre pas le marchandise, comme on dit en bon québécois, on se sent mal à l'aise. Donc, il envoie Tite. Mais Tite est là pour faire deux choses. Pour leur rappeler qu'ils ont une historique d'exceller dans les choses de l'Esprit-Saint. Et vous voyez la liste. Vous êtes riches dans tous les domaines. Regardez la liste. La foi, la parole, la connaissance, le zèle, l'amour. Donc, Paul dit maintenant, je veux que vous faites de même avec vos promesses par rapport au don, par rapport à l'acte de donner. Ouh. Et l'acte de donner est un acte de grâce. Donc, lorsqu'on pense à donner, c'est un aspect de la grâce de Dieu. Mais tout d'un coup, et voici la confusion, Dieu nous démontre la grâce lorsqu'il nous a sauvés, lorsqu'il nous transforme, lorsqu'il nous libre du légalisme, lorsqu'il nous libère de la loi. Mais maintenant, dans ce texte, la situation est renversée. Parce que nous faisons, nous accordons la grâce. Maintenant, vous êtes-vous jamais considéré que lorsque vous écrivez vos chèques ou lorsque vous mettez le fric dans une enveloppe et vous le mettez dans une petite boîte, selon ce texte, c'est un geste de grâce. C'est quoi le lien? On y arrive. Troisième principe. Versets 8 et 9. J'aime ça. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Donc, vous voyez, Paul est audacieux, hein? Il dit, « En parlant de la générosité des autres, je ne veux pas vous culpabiliser, mais si ça vous culpabilise, c'est pas ma faute. Et si vous êtes zélé dans tous ces autres dons de l'Esprit, ben tant mieux, mais il y a un zèle qui vous manque. » Mais afin de ne les pas trop culpabiliser, et voici le troisième principe, « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc, le troisième principe, c'est que cette grâce de donner se trouve illustrée dans la vie de Jésus-Christ. Donc, plutôt de les culpabiliser avec le verset 8, il veut leur libérer de cette culpabilité et cette manque de transparence, cette manque de garder leur parole. Et il dit, rappelez-vous de Jésus. Mais ce que je trouve fascinant ici dans son exemple, c'est qu'il ne parle pas uniquement du ministère salvateur, le ministère de nous sauver de Jésus ici, mais il parle de ses actions de bienfaisance. Le Fils de Dieu, qui est devenu une âme, il n'est pas simplement devenu un être humain comme vous et moi, il n'est pas simplement devenu un homme masculin comme moi, mais il est devenu un pauvre. Afin que par cette pauvreté spirituelle et économique, nous soyons enrichis. Donc, le troisième principe ici, cette œuvre de grâce est illustrée dans le ministère et les actions de Jésus. Donc, tout d'un coup, les Corinthiens doivent y penser, « Wow! » Les Macédoniens, ils se sont donnés tout d'abord eux-mêmes au Seigneur. Consécration. Deuxièmement, de donner, c'est un acte de grâce. Troisièmement, c'est illustré dans le vécu de Jésus. Maintenant, lisez les versets 10 à 15. Voici le clé de son argument dans le 8e chapitre. C'est donc un simple avis que je vous donne. Et c'est que ce qui vous concerne, qui vous convient. En effet, vous n'avez été pas les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative dans ce projet. Achevez-vous donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourraient un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Donc, le quatrième principe, c'est que cette œuvre de donner est motivée tout d'abord par la gestion de ce qu'on a et par un désir d'égalité. La situation est assez bien présentée. Quand l'Église à Corinthe a entendu parler de la famine à Jérusalem et du besoin, Paul dit, ils étaient le premier de faire le queue, de dire, on va donner. Et, par hasard, maintenant, ils sont les derniers de combler. Donc, Paul dit, soyez simplement les gestionnaires de ce que vous avez. Et n'oubliez pas l'égalité. Il y a 10 ans, j'ai vécu ce principe très concrètement. En 99, Sandy et moi avons habité à Haïti. On a passé 6 mois au Cap-Haïtien. On a fait des bonnes amitiés avec les gens. C'était magnifique. Et très peu après, il y avait... C'était pas le verglas, parce que le verglas a eu lieu en 98, c'était avant. Peut-être c'était l'affaire à Chicoutimi, quand il y avait l'inondation. Okay? Et vous vous souvenez, les pluies torrentielles qui ont décimé la ville de Chicoutimi. Un de mes amis à Fort Liberté, en Haïti, m'a envoyé un don de 100 $ pour des églises à Chicoutimi. Et quand j'ai vu le chèque, je l'ai renvoyé. J'ai dit à mon ami André-Jean, j'ai dit, mais on a un système de sécurité ici au Québec. Ne t'inquiète pas, le gouvernement et les autres chrétiens ici en Haïti, au Québec, nous allons prendre soin de nos amis dans le Saguenay. Il était offusqué. Il m'a dit, ne me prive pas le bien de participer dans l'égalité. Oh, j'avais honte. J'ai dit, il comprend mieux le texte que moi. Donc, cette égalité. Souvent ici au Québec, on dit, mais écoute, nos besoins sont beaucoup plus grands que dans le monde en voie de développement. D'un côté, c'est vrai. Ça coûte absolument rien pour chauffer une maison en Haïti, n'est-ce pas? Absolument rien, OK? Ça coûte au Québec de chauffer une maison l'hiver. Oh oui, vous avez tous reçu vos comptes pour l'hiver? Oui, oui, moi aussi. OK. Mais la question n'est pas qui a et qui n'a pas, mais l'égalité. Donc, ce texte nous oblige de bien considérer nos frères et nos sœurs qui n'ont pas, pour qu'ils aillent le même montant pour payer le mazote que nous autres ici au Québec. Non, ça, ce n'est pas la question. Une question d'égalité. Donc, lorsque je pense à cette œuvre de grâce, est-ce que je suis un bon gestionnaire de ce que j'ai? Est-ce que je poursuis l'égalité? Dans le paragraphe qui suit, Paul explique comment Tite va ramasser le don. OK, maintenant on arrive au chapitre 9. Et maintenant, on arrive pour notre cinquième principe. Lisons ensemble les versets 1 à 4 du chapitre 9. « Quant au secours même, destiné à ceux à Jérusalem qui appartiennent à Dieu, il est superflu de vous écrire davantage. » Mais comme vous voyez, il continue d'écrire. Okay? Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant, en Achaïe, à Corinthe, ils sont prêts de donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvez pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion pour ne pas dire la vôtre. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter des frères à me dévancer chez vous pour organiser par l'avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Cinquième principe. Il faut terminer ce que nous proposons. Pour ainsi dire, regarde ce que je fais. Pas ce que j'annonce faire. et vous voyez comment Paul encore y met un peu de pression sur les Corinthiens. Il n'est pas fou malade, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Hey, vous étiez les premiers sur cette promesse, j'ai annoncé aux Macédoniens. Maintenant, il a déjà parlé des Macédoniens. Et ils se sont tout d'abord donnés à Dieu. Et ensuite, ils ont livré le marchandise. Et vous? Et Paul ici dit dans le verset 5. Il dit, il faut terminer ce que vous avez commencé. Pour ainsi dire, avec nos engagements, avec nos paroles, il faut passer à l'action. Encore illustré dans Jésus-Christ, ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, cette grâce, il a livré la marchandise. Maintenant, sixième principe, verset 6. Rappelez-vous, et maintenant il cite Proverbe 22, 8. Sémence parcimonieuse, maigre et colte. Sémence généreuse, moisson abondante. Donc, le sixième principe, cette œuvre de grâce est comme le moisson. Si vous donnez peu, vous moissonnez peu. Si vous donnez, moissonnez beaucoup, vous récoltez beaucoup. On a vécu ça cet été dans notre quartier. Mon voisin en face a décidé de battre un arbre qui était devant chez lui. Et ce n'était pas une belle arbre. Il était deux tiers mort. Donc, quand il l'a ôté, personne ne s'est plaint. Mais il a enlevé les racines. Tout le monde était là pour regarder. C'était incroyable son affaire. Et ensuite, il a refait la terre, il a mis la bonne terre. Et ensuite, il est allé chez Renault Dépôt pour acheter la sémence. Mais il avait mal calculé son affaire. Il a mis quatre fois plus de grains qu'il aurait dû faire. La gazon, cette année, mon voisin Christian, il en a eu. Mais c'était beau! Tout le monde a dit, « Hey, allons chez Renault Dépôt, on va acheter quatre fois plus qu'on a besoin pour refaire notre terre. » Mais c'est le principe. Maintenant, Paul ici n'est pas en train de simplement dire, « Ah, si vous voulez être prospère, donnez beaucoup. » Non, il donne simplement la règle du moisson. Des fois, on est tenté de dire, « Ah! » Si je donne 10 $, Dieu va me donner 20 $. Ou si je donne mon 10 %, Dieu va me bénir. Non, ça, ce n'est pas le principe ici. Le principe ici, c'est qu'il faut être gestionnaire de ce qu'on a et il faut poursuivre l'égalité. S'aimer en moissonne. C'est la règle de l'univers. Et Paul l'applique pour cette œuvre de grâce. Maintenant, septième verset et le septième principe. Que chacun donne ce qu'il aurait décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette œuvre de grâce est gouvernée ou est Oui, gouverner et régler et orienter par quatre choses. Paul le dit bien ici. Tout d'abord, il faut prendre une décision. Ça, c'est un peu de répéter le cinquième principe. Il faut terminer ce qu'on a commencé. Donc, le texte le dit bien. Que chacun donne ce qu'il aurait décidé. Et avec cela, on voit que Paul écarte toute cette idée du dîme. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il faut décider. Il faut terminer. Il faut mener à terme ce qu'on décide. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Juste Paul dit dans ce texte, recherchez l'égalité. Mais tout le monde décide dans son cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non à regret. Combien de fois on est tenté de dire, « Oh, j'ai donné, mais oh, si j'avais cet argent aujourd'hui. » Non, non, non à regret. Ni par contrainte. Pas sous la pression. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé des émissions des ce qu'on appelle des preachers américains. Ça, c'est la pression. Hein? C'est épeurant. Oui. Ferme la télé. Ça, c'est pas biblique. Pas de pression. Pas de contrainte. Et quel est le quatrième principe ici dans ce texte? La quatrième chose qui gouverne cette œuvre de donner? Dieu aime celui qui donne. Et le mot ici, joie, c'est le mot hilarité. Celui qui donne, et ensuite il dit « yes ». Celui qui est joyeux dans son affaire. Maintenant, Paul, à partir du verset 9, continue ses réflexions bibliques. Mais regardez comment il termine le texte. Et maintenant, on arrive pour le pont entre la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous libère du péché, qui nous libère du légalisme, qui nous oriente dans la vie. Même j'ai pensé avec le texte qu'Alphonse nous a lu ce matin en Matthieu. Il pleut sur les bons et les méchants, le soleil se lève sur tout le monde. Ça, c'est un indice de la grâce commune de Dieu. Hey, quand le soleil se lève, s'est levé ce matin, une heure plus tard, Dieu merci, mais le soleil s'est levé sur tout le monde. Ça, c'est la grâce commune de Dieu. Mais maintenant, c'est quoi cette œuvre de grâce dont il parle? Écoutez le texte, les versets 12 à 15. En effet, okay, vous voyez, en conclusion, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore à faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi par la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de cette grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Donc, le dernier principe, c'est que cette œuvre de grâce souligne la grâce elle-même de Dieu et les actions de grâce que les récipientes font envers Dieu à notre égard. Donc, lorsqu'on donne comme Dieu a donné, cet acte de donner est parallèle à l'acte de grâce de Dieu. Donc, imaginez, quand je donne mon argent à Roi des Rois, quand je donne pour nos frères et nos sœurs en Haïti, quand j'aide un ministère chrétien, cet acte réplique, imite, fait écho de l'acte de grâce de Dieu quand il nous a sauvés. Et mes amis, ça c'est le pont. Ou si je peux fermer la boucle J'ai commencé en parlant du caractère de Dieu. Un Dieu qui est, par nature, généreux. Plein de grâce. Et nous sommes, dans ce monde, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes son écho dans le monde. Dieu a parlé en Jésus-Christ et aujourd'hui, il parle sur Jésus-Christ par vous et moi. Nous sommes l'écho de Dieu, de Jésus dans le monde aujourd'hui. Et quand je donne, c'est un acte de grâce. Ce que moi, je trouve fascinant, c'est que cet acte de donner me transforme aussi. Moi, j'aime donner. Sandy et moi aimons donner parce que ça nous libère du matérialisme. Et j'ai besoin de cette grâce 360 jours par année. Comme vous, les choses rentrent dans ma maison, les pubs, les journaux, les magazines. Vous avez besoin de ceci, M. Smith. Et à un moment donné, moi, c'est vrai. Oh, oui, oui. Oui, j'ai besoin de ça. Mais quand je donne, je me libère de ce « M. Smith, vous en avez besoin de ça. » Et Dieu, dans l'acte d'envoyer Jésus, nous a libérés de notre péché. Et il dit, l'acte de donner, cette œuvre de grâce, la grâce de donner, c'est une façon de nous libérer de nos contraintes. Donc, 8 principes ici dans cette histoire. Il faut tout d'abord se donner à Dieu. C'est un acte de consécration. Deuxièmement, l'acte de donner est un acte de grâce. J'espère que j'ai fait le pont. Troisièmement, est illustré dans la vie de Jésus-Christ. Quatrièmement, est motivé par la gestion de ce qu'on a et aussi l'égalité. Cinq, c'est un engagement. Il faut terminer ce qu'on commence. Cinq, est comme la moisson. Six, comme la moisson. Sept, est gouverné ou est réglé par 4 choses. Il faut prendre une décision, non à regret, pas sous la pression, car Dieu aime celui qui donne avec éclat de rire. Et dernièrement, dernière chose, c'est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu, autant pour ceux qui le reçoivent que pour nous. Et ça, c'est le pont. Cet acte de donner fait partie de l'écho de Dieu dans le monde. Donc, la grâce, mes amis, elle est polyvalente. Mais avec la grâce de donner, nous participons dans le projet de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons aussi généreux que lui. Et le don de donner, la grâce de donner, est l'illustration de cette grâce. Donc, quand vous donnez, quand vous participez dans le budget de l'Église, quand vous donnez aux œuvres de charité, quand vous aidez les pauvres, faites-le pas par contrainte. Soyez pas bougonneux. Ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes bougonneux, faites-le pas. Mais n'oubliez pas, cet acte est un acte qui fait l'écho de qui est Dieu. Prions ensemble. Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette Église. Je te remercie pour le conseil et pour Daniel et Alphonse qui gèrent ces finances. Et merci que tu nous invites de participer dans ce projet et que nos dons sont un acte de grâce. Merci que nous pouvons aider les plus démunis. On a prié pour Haïti ce matin. Et Seigneur, motive-nous de participer dans le soulagement des maux qui se passent, qui se réalisent dans ce pays. Merci que nous pouvons participer dans les différents ministères qui œuvrent ici à Montréal. Nous prions aussi pour les organisations comme le Wycliffe, comme le CIM, comme Direction chrétienne, comme Porte ouverte. Seigneur, continue de nous motiver, de pratiquer cette grâce par ce que tu nous as donné. Et nous fais tout ceci pour que toi, tu puisses recevoir toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.